Les effets d'un nouveau système d'instruction ne peuvent être que graduels. On se tromperait si l'on croyait pouvoir recueillir, dès les premières années, les fruits de l'instruction, même la mieux combinée, ou de la porter, à l'instant de son établissement, à toute la perfection dont elle est susceptible. Tout est ici à former à la fois les pères dignes d'être instituteurs, les mères capables de surveiller et de suivre l'éducation, les maîtres propres à une nouvelle forme d'enseignement, les livres qui doivent être dirigés vers un but commun, les bibliothèques, les cabinets, les jardins de plantes distribués dans tous les chefs-lieux d'instruction, et tout cela ne peut être que l'ouvrage du temps, d'une attention longtemps soutenue. Il est possible même que les fonds nécessaires à cette dépense publique ne puissent s'obtenir ou se former que successivement. Mais, dans les premiers instants, les enfants apprendront du moins ce qui leur importe de savoir, les hommes, quoique peu disposés à recevoir l'instruction, acquerront cependant quelques lumières, se défront de quelques préjugés. Les livres des monastères peuvent servir, ou par eux-mêmes, ou par des échanges, à former les nouvelles bibliothèques. Des cabinets, où l'on a pour objet principal de rassembler les productions du pays, peuvent, en peu de temps et sans beaucoup de frais, acquérir une consistance suffisante. Pour les dépenses nécessaires à l'instruction, on peut ajouter aux fonds nationaux ceux de souscription particulière. Aux fonds actuellement consacrés à l'éducation, on peut ajouter l'espérance de souscription que le zèle peut offrir. Sans s'écarter des principes qui s'opposent à l'éternité des fondations particulières, il est possible d'accorder aux souscripteurs la satisfaction de diriger et de déterminer jusqu'à un certain point l'emploi de ce qu'ils peuvent offrir. Cette liberté serait même alors un moyen de corriger les erreurs dans lesquelles les agents de la puissance publique pourraient tomber. Par exemple, en recevant les livres quels qu'ils fussent, ainsi que les objets destinés à être placés dans les cabinets, on pourrait suppléer à ce que les préjugés ou les systèmes de ces agents en auraient écarté. La puissance publique n'est ici que l'organe de la raison commune. Elle doit tout pouvoir contre l'opinion incertaine, partagée, chancelante, mais il faut que l'opinion générale puisse agir indépendamment d'elle, et les moyens que nous avons proposés, faibles tant que cette opinion n'existe pas, deviendront suffisants si elle est une fois prononcée. Supposons, par exemple, que des bibliothèques semblables eussent existé il y a 10 ans et que les livres donnés par les particuliers n'eussent pu être rejetés. Le gouvernement y aurait envoyé les discours sur l'histoire de France, les œuvres de Bergier, les veillées du château. Mais les élateurs de la vérité y auraient placé les ouvrages de Rousseau et de Voltaire, et la puissance publique n'aurait pu retarder les progrès de la raison. On peut de même, sans nuire à l'uniformité, à l'égalité de l'instruction, permettre ou l'établissement d'enseignement particulier ou celui de quelques places de plus destinées à l'instruction gratuite. Cette liberté n'aurait que des avantages si la durée de ces destinations était limitée, si elles se bornaient, suivant leur nature, à celle de la vie du donateur ou à un espace de temps déterminé, et qu'après ce temps, tout fût remis à la disposition libre de la puissance publique. On pourrait également, et aux mêmes conditions, recevoir, au lieu de sommes d'argent, des biens de toute espèce, mais toujours en fixant un terme au-delà duquel la nation pourrait librement en changer la forme. On n'écarterait par de telles limitations aucun des dons de la bienfaisance ou de la raison. On diminuerait seulement ceux de la vanité. Mais ne serait-ce pas aller précisément contre le but de toute instruction, le perfectionnement de l'espèce humaine, que de favoriser un des défauts qui la dégrade davantage? Ne serait-il pas indigne de la majesté du peuple d'employer pour l'utilité publique les ressorts que les moines faisaient agir pour celle de leur couvent, de profiter comme eux des préjugés ou des passions, de promettre à l'orgueil une gloire immortelle pour le don de quelques arpents de terre, comme autrefois ils promettaient au même prix une place dans le ciel? Progrès des avantages d'une nouvelle instruction. Si les premiers effets d'une nouvelle instruction sont d'abord peu sensibles, on les verra peu à peu se développer et s'agrandir. Les jeunes gens, et après eux les enfants, formés dans les premiers temps, sauront mieux surveiller l'éducation de leur famille et donneront quelques maîtres dont l'esprit s'accordera mieux avec celui de l'institution. Dans une seconde génération, elle se perfectionnera encore. Enfin, dans la troisième, la révolution pourra s'achever. Mais, dans l'intervalle, On aura déjà joui davantage, d'autant plus grand qu'on sera parti de plus loin. Et comme ici les générations se pressent et qu'on peut les évaluer à 12 ans, durée de l'éducation la plus longue, on voit que la postérité pour laquelle on aura travaillé n'est pas cependant assez éloignée de nous pour qu'il y ait de la philosophie à s'occuper d'elle. Qu'il me soit permis de présenter à ceux qui refusent de croire à ces perfectionnements successifs de l'espèce humaine un exemple pris dans les sciences où la marge de la vérité est la plus sûre, où elle peut être mesurée avec plus de précision. Ces vérités élémentaires de géométrie et d'astronomie qui avaient été dans l'Inde et dans l'Égypte une doctrine occulte sur laquelle les prêtres ambitieux avaient fondé leur empire étaient dans la Grèce, au temps d'Archimède ou d'Hipparque, des connaissances vulgaires enseignées dans les écoles communes. Dans le siècle dernier, il suffisait de quelques années d'études pour savoir tout ce qu'Archimède et Hipparque avaient pu connaître, et aujourd'hui, 2 années de l'enseignement d'un professeur vont au-delà de ce que savaient Leibniz ou Newton. Qu'on médite cet exemple, qu'on saisisse cette chaîne qui s'étend d'un prêtre de Memphis à Euler et remplit la distance immense qui les sépare, qu'on observe à chaque époque le génie devançant le siècle présent et la médiocrité atteignant à ce qu'il avait découvert dans celui qui précédait, on apprendra que la nature nous a donné les moyens d'épargner le temps et de ménager l'attention et qu'il n'existe aucune raison de croire que ces moyens puissent avoir un terme. On verra qu'au moment où une multitude de solutions particulières de faits isolés commencent à épuiser l'attention, à fatiguer la mémoire, ces théories dispersées viennent se perdre dans une méthode générale, tous les faits se réunir dans un fait unique, et que ces généralisations, ces réunions répétées n'ont, comme les multiplications successives d'un nombre par lui-même, d'autres limites qu'un infini auquel il est impossible d'atteindre. L'union de la philosophie à la politique sera un des premiers avantages de la réforme dans l'instruction. Mais une des principales utilités d'une nouvelle forme d'instruction, une de celles qui peuvent le plus tôt se faire sentir, c'est celle de porter la philosophie dans la politique, ou plutôt les confondre. Il n'existe en effet que 2 espèces de politique, celle des philosophes, qui s'appuient sur le droit naturel et sur la raison, et celle des intrigants, qu'ils fondent sur leur intérêt et que pour trouver des dupes, ils colorent avec des principes de convenance et des prétextes d'utilité. Que dans les pays dévorés par le fléau de l'inégalité, un grand, placé par sa naissance sur les marches du trône, un ministre nourri dans le tourbillon des grandes affaires, un homme décoré dès son enfance d'une place héréditaire ou vénale, se croit les maîtres des autres hommes et regarde avec un insolent dédain le philosophe qui prétend régler par de vains raisonnements le monde qu'ils oppriment ou qu'ils dépouillent. Leur folie ne mérite que le mépris et la pitié. C'est l'effet involontaire et incurable de leur éducation, et on ne doit pas en être plus étonné que de voir un siamois adorer Samonokodon. Mais que l'on ose répéter ce langage dans un pays libre, que des hommes qui par la protection de quelques commis sont parvenus à des places du second ordre, que d'autres qui doivent à leur livre toute leur réputation, que des compilateurs de dictionnaires ou de gazettes, que de jeunes portés par le hasard au sortir des écoles à une place importante se permettent d'imiter ce superbe langage, alors on a droit de s'indigner d'une opinion qui ne peut être sincère. L'idée de soumettre la politique à la philosophie a d'autres adversaires encore. Ceux-ci croient que le simple bon sens doit suffire à tout, pourvu qu'ils s'unissent à un grand zèle. Quelques-uns y ajoutent seulement le secours d'une illumination intérieure qui supplée aux lumières acquises et avec laquelle on se passe de raison. Quel est le motif secret de ceux qui professent ces opinions? C'est d'abord le désir de s'écarter des hommes qui peuvent les apprécier afin d'avoir plus de facilité pour tromper le reste. C'est la crainte que la philosophie ne porte sur leur conduite une lumière sûre et terrible, qu'elle n'éclaire à la fois la nullité de leurs idées et la profondeur de leurs projets. C'est ensuite la haine des principes qui, fondés sur la justice, sur la raison, opposent à toutes les conspirations de l'orgueil ou de l'avidité une inflexibilité désespérante. C'est, enfin, l'envie qui craint d'être obligée de reconnaître la supériorité des lumières et d'y céder. On hait dans les autres les talents auxquels on ne peut atteindre, et la gloire qui récompense le bien qu'ils font est l'obstacle qu'ils mettent au mal qu'on voudrait faire. Voulez-vous échapper au piège de ces imposteurs? Voulez-vous que les places deviennent le prix des lumières, que les principes certains dirigent toutes les opérations importantes? faites que dans l'instruction publique ouverte aux jeunes citoyens, la philosophie préside à l'enseignement de la politique, que celle-ci ne soit qu'un système dont les maximes du droit naturel aient déterminé toutes les bases. Alors, les citoyens sauront à la fois échapper aux ruses des ambitieux et sentir le besoin de confier leurs intérêts aux hommes éclairés. Une fausse instruction produit la présomption. Une instruction raisonnable apprend à se défier de ses propres connaissances. L'homme peu instruit, mais bien instruit, sait reconnaître la supériorité qu'un autre a sur lui et en convenir sans peine. Ainsi, une éducation qui accoutume à sentir le prix de la vérité, à estimer ceux qui la découvrent ou qui savent l'employer, est le seul moyen d'assurer la félicité et la liberté d'un peuple. Alors, il pourra ou se conduire lui-même, ou se choisir de bon guide, juger d'après sa raison, ou apprécier ce qu'il doit appeler au secours de son ignorance.